Exercice 12, page 137. Je suis arrivé il y a quelques jours à l'observatoire. 4 heures de voiture depuis l'aéroport, après les 12 heures d'avion. C'est Stéphane, mon nouveau collègue, qui est venu me chercher. Je n'ai pas commencé à travailler tout de suite. J'ai d'abord attendu que la fatigue du voyage me laisse tranquille.